Ce jeune homme était du pays de Vaud. Son père, appelé M. Winzenried, était concierge, ou soi-disant capitaine du château de Chillon. Le fils de M. le capitaine était garçon perruquier, et courait le monde, en cette qualité, quand il vint se présenter à Mme de Varan, qui le reçut bien, comme elle faisait tous les passants, et surtout ceux de son pays. C'était un grand fat blondin, assez bien fait, le visage plat, l'esprit de même, parlant comme le Bouliandre, mêlant tous les tons, tous les goûts de son état, avec la longue histoire de ses bonnes fortunes, ne nommant que la moitié des marquises avec lesquelles il avait couché, et prétendant n'avoir point coiffé de jolies femmes dont il n'eût aussi coiffé les maris. Vain, sot, ignorant, insolent, au demeurant, le meilleur fils du monde. Tel fut le substitut qui me fut donné durant mon absence et l'associé qui me fut offert après mon retour. Oh, si les âmes, dégagées de leurs terrestres entraves, voient encore, du sein de l'éternelle lumière, ce qui se passe chez les mortels, pardonnez, ombre chère et respectable, si je ne fais pas plus de grâce à vos fautes qu'aux miennes, si je dévoile également les unes et les autres aux yeux des lecteurs. Je dois, je veux être vrai pour vous comme pour moi-même. Vous y perdrez toujours beaucoup moins que moi. Et combien votre aimable doux caractère, votre inépuisable bonté de cœur, votre franchise et toutes vos excellentes vertus ne rachètent-elles pas de faiblesse, si l'on peut appeler ainsi, les torts de votre seule raison? Vous eûtes des erreurs, et non pas des vices. Votre conduite fut répréhensible, mais votre cœur fut toujours pur. Qu'on mette le bien et le mal dans la balance, et qu'on soit équitable. Quelle autre femme, si sa vie secrète était manifestée ainsi que la vôtre, s'oserait jamais comparer à vous.